téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Jenny Marx, l'épouse du diable. Issue de la grande bourgeoisie prussienne, Jenny von Westphalen est belle, intelligente, cultivée, raffinée. Reine des bals de Trèves, sa ville natale, tout semble destiné à la jeune fille à un mariage de son rang et à une vie respectable, confortable. Mais Jenny la rebelle va choisir une autre voie, dictée par l'amour. En 1843, Jenny von Westphalen épouse l'homme qu'elle aime, Karl Marx, son petit sanglier, comme elle l'appelle. Il n'a pourtant rien pour plaire à sa famille. Brillant intellectuel, certes, mais mal vu du pouvoir pour ses idées socialistes, il est sans fortune, sans position, et en plus, il est juif. Commence pour le couple une vie d'errance et de bohème entre Berlin, Paris, Bruxelles et Londres. Vie d'intense activité politique où Jenny partage avec Karl l'élaboration de son œuvre majeure, Le Capital. Mais ces années sont aussi celles d'une descente aux enfers où l'épouse dévouée du défenseur de la classe ouvrière connaîtra la misère noire, la faim, les dettes, mais aussi l'humiliation de l'adultère. France Inter, Stéphanie Duncan. Autant en emporte l'histoire. Jérôme Fernbach, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes inspecteur général des finances et par ailleurs auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'aristocratie allemande, dont la biographie de Jenny Marx, La tentation bourgeoise. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à Jenny Marx? Est-ce en partant de l'aristocratie allemande, à laquelle elle appartenait en partie, ou est-ce pour essayer de mieux comprendre son mari, Karl Marx? En fait, c'est un peu les deux, mais je pense que vous avez en réalité la réponse à votre question. Oui, effectivement, je trouve intéressant de creuser ce volet de l'aristocratie allemande et de décortiquer la légende qui s'est établie ou enrobée autour de la personne de Jenny Marx au fil des décennies. Françoise Giroud lui avait consacré une biographie en 92, mais j'imagine que vous avez eu affaire à des sources nouvelles, inédites. Oui, alors en fait, beaucoup de sources ont émergé, notamment à la faveur du bicentenaire de la naissance de Jenny Marx en 2014. À cette occasion-là, des universitaires allemands ont fait un énorme travail de collecte, de recension, de traduction, parce qu'il y avait des lettres dans des langues multiples, qui ont abouti à un corpus totalement inédit de lettres trouvées à travers le monde. Donc en effet, ça fournit un matériau important que j'ai complété par des sources d'archives également inédites et non vues à ce jour. Alors, l'histoire de Jenny Marx, que je vais raconter ce soir, du moins une partie de sa vie, cette histoire commence en 1841, quand Jenny est fiancée depuis 5 ans déjà avec Karl. Pouvez-vous, Jérôme Fernbach, nous dire qui sont ces personnages à ce moment-là, donc Jenny et Karl Marx? Alors Jenny, à cette époque-là, est une ressortissante de la bonne bourgeoisie de Trèves, qui est une ville moyenne, à peu près 10 000 habitants, très excentrée, très à l'ouest de l'Allemagne, une ville avec une culture cosmopolite, en tout cas francophile, très forte. Et pour Jenny, sa famille compte énormément. En effet, on ne peut pas dire qu'elle appartient aux premières strates de la société non plus, hein, contrairement à une légende, c'est plutôt, on va dire, un deuxième niveau. Et la vie familiale compte beaucoup. Il y a son père, qui est un personnage un peu excentrique, extrêmement cultivé, qui adore le jeune Marx. Il y a sa mère, qui, contrairement à son père, n'est une simple bourgeoise, donc non issue de l'aristocratie. Elle a des demi-frères et sœurs, issus d'un premier mariage du père qui était veuf. Et elle a un frère qui compte beaucoup pour elle, un frère qui s'appelle Edgar. Et Karl Marx? Qui est-il à ce moment-là? Il n'est pas encore connu. Alors, Karl Marx, à cette époque-là, est inconnu. Karl Marx est en fait à l'origine un condisciple de Edgar von Westphalen, le frère de Jenny. Donc, ils ont passé leur baccalauréat ensemble à Trèves. Et tous les deux, après, sont partis, on va dire, un peu en joyeuse bohème. D'abord étudier à Bonn, puis à Berlin. Et donc, ils mènent une vie d'étudiante, un peu une vie de patachon, on peut imaginer. Et en fait, Jenny connaît Karl depuis assez longtemps, puisque Karl faisait partie d'un tout petit cercle d'amis très proches de son père et d'admirateurs de son père. Lequel père avait peu d'admirateurs, parce qu'il était fort original, mais il avait trouvé dans Karl une espèce de petit génie, qui était un peu le miroir de ses de ses propres exaltations. Et Jenny tombe amoureuse de lui. Alors Jenny tombe amoureuse, elle connaissait depuis assez longtemps, et puis elle est foudroyée en septembre 1836 à l'occasion d'un retour, enfin de vacances tout simplement universitaire de Karl Marx, lequel est tout jeune puisqu'il a tout de même 4 bonnes années de moins que lui. Et Friedrich Engels, ce personnage, ce troisième personnage qui va entrer dans la vie du couple assez rapidement. Alors Friedrich Engels est encore un petit peu plus jeune que Karl, donc j'insiste sur ce point parce que à cette époque-là, le décalage d'âge entre hommes et femmes est un élément important des relations entre les deux sexes. Donc je rappelle, Jenny est née en 1814, Karl est né en 1818 et Engels est né en 1821. Donc c'est encore un tout jeune homme, très très très jeune homme, qu'ils vont rencontrer en fait essentiellement en 1844 lors de leur séjour à Paris et à Bruxelles. Friedrich Engels est issu d'un milieu extrêmement fortuné, contrairement à Jenny et Karl qui sont de fortune et de famille, on va dire, moyenne, intermédiaire. Friedrich, lui, est issu d'une famille de grands fabricants textiles depuis à peu près un siècle, avec des établissements en Allemagne, dans ce qui est aujourd'hui la ville de Wuppertal, et également en Angleterre, à Manchester. Et quel est le contexte politique au début de cette histoire? On est en Prusse. Alors régime autoritaire. Nous sommes en Prusse dans un régime qui en fait en 1841, je dirais semi-autoritaire, on n'est pas encore en 1848, en 1849, il y a un certain degré de liberté. Je dirais même que le roi Frédéric Guillaume IV, qui est au pouvoir depuis 1840, affecte une certaine forme de liberté ou du libéralisme, il tolère en tout cas une certaine forme d'expression contestataire, néo-romantique. On n'est pas encore dans l'expression d'un socialisme dur du tout en 1841, on est encore dans un courant libéral qui se mêle à des à des exaltations romantiques. Jérôme Fehrenbach, je propose qu'on poursuive cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Jenny Marx, l'épouse du diable, un texte de Marjorie Philibert, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation, Cédric Aussire. Rêve, le 10 mars 1837. Mon petit sanglier, ça y est. Hier, j'ai parlé de notre amour à père pour la première fois. Je lui ai dit que ce jour d'octobre où tu m'as emmené marcher dans la campagne, eh bien, nous nous sommes promis l'un à l'autre pour la vie entière. Ce jour-là, j'ai eu en face de moi un jeune homme de 18 ans, avec un collier de barbe et des yeux noirs si perçants qu'aucune femme ne saurait leur résister. Père m'a dit de garder les choses secrètes, puisqu'il ne saurait être question de mariage avant que tu ne sois établie. Le coup fatal est venu de Ferdinand, mon frère. Il a littéralement explosé. Juif passe encore, si au moins il était riche. Rassure-toi, ces propos sordides ne changent rien à mon amour pour toi. Il n'y a qu'une chose qui me tracasse. Ferdinand m'a dit qu'il avait fait faire une enquête sur toi à Berlin. Il dit que tu passes l'essentiel de ton temps dans des cafés, à te gorger de vin et de bière, en compagnie d'athées militants. Tout cela m'est égal, du moment qu'il ne t'emmène pas voir des femmes. Oh, Karl, pardonne-moi, mais j'ai tant besoin d'être rassurée. À toi pour la vie, ta Jenny. En janvier 1837, Jenny von Westphalen est fiancée à Karl Marx depuis bientôt 6 mois. Les jeunes gens se connaissent depuis l'enfance et partagent tous deux une position critique vis-à-vis de la monarchie prussienne. À 22 ans, Jenny von Westphalen est un des plus beaux partis de Trèves. L'humour et l'esprit caustique de cette brune aux yeux verts font des ravages. À l'inverse, les Westphalen voient d'un mauvais œil son union avec Karl Marx, en raison de son athéisme, ses origines juives et son absence de fortune. Face à ses parents, Jenny tient bon et attend impatiemment que Karl ait terminé ses études à Berlin pour pouvoir se marier. Mais au bout de 5 ans d'une relation à distance, cette jeune puritaine au tempérament ardent est au bord de l'hystérie. En août 1841, elle parvient à trouver un subterfuge pour voir son fiancé seul, sans le chaperon qu'exigent les convenances de l'époque. Sous prétexte d'un séjour chez des amis, accompagnée de son petit frère Edgar, elle se rend à Cologne, où Marx a réservé une chambre dans un hôtel de la ville. Karl! Jenny Chen. Oh, Karl, je suis si heureuse. Pardon, mon amour. Hier, un camarade de l'université m'a apporté des cigares et nous avons fumé toute la nuit. Je vais ouvrir la fenêtre. On a au moins une heure devant nous. J'ai dit à Edgar de faire trois fois le tour de la cathédrale. Ma Jenny, à moi, seule pendant une heure. J'ai juste le temps... Oh, Carl, si tu savais comme j'attends ce moment. J'ai juste le temps de te lire le premier chapitre d'un livre extraordinaire qui va faire grand bruit dans toute l'Europe. Regarde. L'essence du christianisme de Ludwig Feuerbach. Feuerbach écrit que l'homme a créé Dieu à son image, et non l'inverse. Il critique Hegel en l'accusant de n'être qu'un théologien déguisé en philosophe. Tu te rends compte ? Il dit que la doctrine hegelienne, selon laquelle la réalité est posée par l'idée, n'est que l'expression rationnelle de la doctrine théologique, selon laquelle la nature est créée par Dieu. Voilà encore une lecture qui va te faire bien voir à l'université. Je me moque de l'université. Je n'y mets plus les pieds depuis 6 mois. Et de toute façon, je n'y aurai jamais ma place. Quoi ? Mais pourquoi tu dis ça ? Parce que je suis lucide. Un de mes amis les plus proches, Bauer, vient d'être interdit d'enseignement par le roi de Prusse. Il a été dénoncé pour athéisme. Le cordon sanitaire prussien me barre la route. Mais si tu n'as pas de poste à l'université, que vas-tu faire ? Ça veut dire que notre mariage est encore repoussé ? Pas du tout. Écoute-moi. Une gazette de Cologne, la Rheinische Zeitung, m'a demandé d'écrire une série d'articles sur la liberté de la presse. C'est vrai ? Oui. Et si tout se passe bien, je devrais bientôt être embauché. C'est presque la gloire et presque la fortune. Ah, oh, mon petit sauvage noir, je suis tellement fière de toi. Quand Ferdinand va l'apprendre, ça va lui clouer le bec. Je serai bientôt la femme d'un grand rédacteur en chef. J'aurai de quoi nous payer un mariage somptueux. Nous vivrons dans un bel appartement avec des domestiques. Nous boirons du champagne et nous fumerons des cigares tous les jours. Et nous discuterons de philosophie. Oh oui, j'ai hâte. Ah, oh, ce maudit corset. Aide-moi à l'enlever. Si tu veux. Tu as trop chaud ? Mais non, idiot. L'heure passe. Edgar et moi devons être rentrés à Trèves ce soir. Ce soir ? Jenny, tu es sûre ? Oh ! Carl, tu sais depuis combien de temps j'attends ? Ça fait 5 ans. Jenny... Carl, je sais parfaitement ce que je fais. Je sais que si cela s'apprend, ça sera la mise au ban, la fin de ma réputation. Je sais tout cela. Je suis persuadée qu'il ne peut rien y avoir de mauvais dans un amour aussi beau que le nôtre. Je veux me donner à toi tout entière. Il est déjà midi. Dépêche-toi. Edgar ne va pas tarder à arriver. Ma petite baronne von Westphalen. Je t'aime. Tu m'aimes plus que la Révolution. Regarde. Regarde comment on renverse l'aristocratie. C'est ainsi que Karl Marx quitte sa vie d'éternel étudiant pour devenir rédacteur en chef de la Rheinische Zeitung à Cologne. Mais il en profite aussitôt pour critiquer violemment le cléricalisme du roi de Prusse, ce qui lui vaut la fermeture du journal. Désœuvré, il se lance alors dans un programme de lectures encyclopédiques, à l'issue desquelles il se détourne progressivement de la philosophie de Hegel pour s'intéresser au socialisme. Malgré l'absence de perspective de son fiancé, Jenny persiste à vouloir épouser Karl. Il se marie en 1843. Leur horizon s'éclaircit alors. Un ami philosophe, Arnold Ruge, propose à Marx de diriger une revue, les Annales franco-allemandes, dont le siège sera situé à Paris. La proposition tombe à point nommé. Jenny est enceinte. Enthousiaste, le couple s'installe à Paris, rue Vanneau, en octobre 1843. Jenny est éblouie par la capitale, mais sa famille lui manque. Paris, le 18 mai 1844. Ma chère maman, pardonne-moi de ne t'avoir écrit plus tôt. Ici, à Paris, nous sommes tellement sollicités que je n'ai pas une minute à moi. Comme tu sais, la nouvelle revue de Karl vient d'être interdite, comme la précédente. Cette fois, c'est la critique de la propriété privée qui a déclenché la fureur du roi de Prusse. Karl est à nouveau sans journal, mais a gagné dans cette affaire beaucoup de relations. Ici, nous vivons dans le même immeuble que les époux Ruge. C'était l'idée de Ruge et Karl. Ils voulaient créer une sorte de colonie communiste. Mais Madame Ruge a un caractère impossible. Depuis que j'ai accouché de Jenny Shen, la cohabitation est de plus en plus pénible. À ce propos, la petite me donne bien des soucis. Je n'ai pas assez de lait et elle refuse de prendre le biberon. Si seulement nous avions notre fidèle Lenchen avec nous. Je t'embrasse mille fois. Ta Jenny. À Paris, Marx fréquente assidûment le socialiste Proudhon et l'anarchiste Bakounine. Karl et Jenny passent leur nuit à refaire le monde dans des cafés enfumés, surveillés par la police. Mais cette vie de bohème n'est guère compatible avec les soins qu'exige la petite Jennyshen, qui dépérit à vue d'œil. En juin 1844, Jenny, affolée, prend sa fille sous le bras et l'emmène à Trèves chez sa mère. Pendant que l'enfant, placé chez une nourrice à la campagne, reprend des forces, Marx fait à Paris une rencontre déterminante, celle de Friedrich Engels. Ce jeune Allemand de bonne famille, fils d'un riche industriel, a rédigé un traité sur la condition du prolétariat anglais qui a vivement impressionné Marx. Lorsque Jenny rentre avec sa fille au mois d'octobre, les deux hommes sont devenus inséparables. Karl, tu ne crois pas que vous avez assez bu comme ça? Regardez-nous. Est-ce qu'on a l'air d'avoir bu? Friedrich, non, mais toi, oui. Et pourtant, il a bu une bouteille de plus que moi. Je vous assure que ce sont des calomnies, Frau Marx. Vous dire que je venais juste de calmer Jenny. Tu fumes toujours ces cochonneries? Pourquoi? Tu vas mieux? Oui. Tiens. Ah, je reconnais ta supériorité en matière de cigares. Depuis la naissance de la petite, Jenny ne ferme plus l'œil de la nuit. Vois-tu, Friedrich, dans la famille, l'homme est le bourgeois et la femme joue le rôle du prolétariat. C'est Jenny qui t'inspire cette grande pensée? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu attends pour lui céder le pouvoir? Le peuple... Comme tu sais, doit passer par une phase de transition au cours de laquelle il s'appropriera les moyens de production. Autrement, on tombe dans l'absence d'État, donc dans le chaos que prône ce cher Bakounine. Moi, je suis pour que Jenny Marx commence dès ce soir sa phase de transition. Ça y est, par miracle, elle s'est endormie. De quelle transition parliez-vous, Herr Friedrich? Friedrich parlait de l'esclavage de la femme au foyer, alors que je soutiens... Moi, que ma Jenny n'a jamais été aussi heureuse que depuis qu'elle m'a donné une magnifique petite fille. N'est-ce pas, mon amour? Ah oui. Ce qui me manque parfois, c'est de l'aide à la maison. Tu l'auras bientôt. Je vais bientôt toucher la dernière part de l'héritage de mon père. Et grâce à cet argent, nous pourrons enfin faire venir Lenchen. Lenchen? C'est la servante de ma famille qui est restée à Trèves. La plus fidèle et la plus dévouée des femmes. Et quand nous aurons deux enfants... Nous aurons deux bonnes. Je ne veux plus que ma Jenny fasse quoi que ce soit à la maison. Regarde ses mains. Elles ne sont pas faites pour les travaux ménagers. Deux bonnes. Vous avez une manière bien à vous d'être pauvre. Ah, quand on a de l'argent, autant se faire plaisir. Nous ne sommes pas comme toi, qui es à l'abri du besoin jusqu'à la fin de tes jours. C'est vrai. Mais les usines de mon père sont un cadeau plus empoisonné que tu ne le penses. Chaque jour, je me sens illégitime pour parler du socialisme. Au contraire, c'est ça qui te donne un point de vue unique. Tu comprends à la fois les intérêts du bourgeois et ceux du prolétaire. Ce que tu as écrit, personne ne l'avait écrit avant toi. Et vous pouvez croire Karl, il dit toujours ce qu'il pense, quitte à se fâcher avec tout le monde. Merci. À vrai dire, c'est surtout ma femme Mary qui m'a permis de connaître le monde ouvrier. Elle travaillait à l'usine quand je l'ai rencontrée. C'est une femme... exceptionnel. Vraiment? J'aimerais la rencontrer. Avez-vous des enfants ? Non. Nous ne voulons pas nous marier, ni avoir d'enfants. Tiens, et pourquoi donc ? Le mariage et la famille sont des institutions bourgeoises. L'enfant est pour la femme un asservissement. Mary veut rester libre. Oh, Friedrich ! Mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Un enfant, c'est un rayon de soleil dans une maison. Alors pour ma part, j'ai envie d'en avoir une bonne dizaine. Ah oui. Et qui s'en occupera, dis-moi, Karl ? Vous vous trompez, Herr Friedrich. Karl et moi, nous partageons tout. Je ne suis pas seulement la mère de ses enfants, je suis sa compagne. Je serai toujours à ses côtés dans son engagement pour la Révolution. Ma chère Jenny, je ne doute pas que vous ayez ce don de vous démultiplier. Mais je n'en dirai pas autant de Karl. Allons, il s'est endormi. Décidément, le vin blanc, c'est radical chez lui. Il est temps pour moi de vous laisser, Frau Marx. Friedrich, je voulais vous demander une chose. Tout ce que vous voudrez. Karl a trop dépensé. Non, non, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est juste qu'il ne faut pas faire boire Karl comme ça. Il n'a pas votre santé de fer. Vous, le lendemain, vous êtes d'attaque. Lui, il met 3 jours à s'en remettre. Jenny, Karl a beaucoup de chance de vous avoir épousée. Quelques mois plus tard, Marx publie en France une tribune où il appelle à une révolution socialiste en Prusse. Cette fois, le roi Guillaume IV en réfère directement à Louis-Philippe. Le 25 janvier 1845, un policier sonne à la porte de l'appartement de la rue Vanneau et tend à Marx un arrêté d'expulsion. Ils ont 24 heures pour quitter Paris. Karl et Jenny se réfugient en catastrophe à Bruxelles, où Marx a l'autorisation de résider, mais pas de publier dans les journaux. Très vite, le couple se retrouve sans revenus. Pendant 3 ans, ils vont subsister de dons et d'emprunts. L'ami de toujours, Engels, est fréquemment appelé à la rescousse, d'autant plus que la famille s'agrandit. Lorsque Marx et Engels partent à Londres assister au 2e congrès de la Ligue communiste, Jenny, qui attend son 3e enfant, est harcelée par les créanciers qui frappent tous les jours à la porte. Bruxelles, le 8 novembre 1846. Ma chère maman, merci 1000 fois pour ton mandat. Avec cet argent, je pourrais au moins payer le loyer et peut-être même tricoter un petit gilet pour Laura. Heureusement que Lenchen nous a rejoints et dire que nous lui devons 9 mois de salaire. Je lui ai proposé de retourner à Trèves, mais elle a refusé. Il n'y a pas de mot pour désigner ce qui nous lie à elle, sauf peut-être le mot « amour ». Lenchen nous aime et nous l'aimons. Elle m'a proposé de s'occuper à plein temps des enfants, y compris celui qui va naître, quand Karl sera rentré de Londres. Car vois-tu, Karl va écrire un livre dans lequel il met beaucoup d'espoir, et il a besoin de moi. J'espère que je ne serai pas trop fatiguée après l'accouchement. Engels s'est installé lui aussi à Bruxelles, dans la maison à côté de la nôtre. Je dois dire que je suis un peu jalouse, car Karl passe plus de temps avec lui qu'avec moi. Engels a de l'estime pour moi, je crois. Mais il a été affreusement choqué que je ne veuille pas recevoir sa compagne parce qu'ils ne sont pas mariés. Engels a dit à Karl que je n'étais qu'une petite bourgeoise avec les préjugés de sa classe. Je veux bien en convenir. Mais Karl n'a jamais rien fait pour m'ouvrir les yeux là-dessus. Parfois, j'ai l'impression qu'il défend l'émancipation partout, sauf dans son propre mariage. J'envie parfois Engels et Mary, qui peuvent à tout moment reprendre leur liberté. Comprends-moi bien, je suis heureuse d'avoir un foyer. Mais parfois, je donnerais tout pour le quitter ne serait-ce que quelques jours. Je t'aime fort, ma petite maman. Jenny. Partout où la bourgeoisie s'est saisie du pouvoir, elle a détruit toutes les conditions idylliques de l'existence sociale. Elle a noyé les frissons sacrés et les pieuses ardeurs dans le flot glacé de l'égoïsme calculateur. Moins vite, Karl. Oh, non. Elle a monnayé en valeur d'échange. Un moment, Karl, j'ai cassé ma plume. Bon. Une minute de pause. Attends. J'en ai trouvé une autre. Alors reprenons. C'est pas vrai. On va jamais y arriver. Lenchen ! monsieur. Sortez, Edgar. Vous voyez bien qu'on ne s'entend plus. Oui, monsieur. Mais pas à côté. Sortez-le dans la rue. Sinon, on va pas réussir à travailler. Il fait trop froid pour le sortir dans la rue, Karl. Il n'a pas de vêtements chauds. Pas de vêtements chauds. Même Jen n'a qu'à le prendre contre elle, c'est tout. Il a faim, monsieur. Il faut que madame lui donne le sein. Il va se calmer. Bon, eh bien, allez-y. Faites ça. Voilà. Ce n'est pas avec Engels que j'aurais ce genre de problème. En effet, Karl. Les hommes n'ont pas encore le droit d'allaiter. Tu n'as qu'à faire revenir Engels, s'il te manque tant que ça. Si seulement. Mais son père l'a rappelé pour faire le contremaître en Angleterre. Que veux-tu ? C'est un patron, lui. Pas un crève-la-faim comme nous. Excuse-moi de n'être que ta femme, Karl. Ça n'est pas grave. On va faire avec ce qu'on a. Bon, tu as fini ? Oui. Emmenez-le dans la chambre, Lentien. Bien, madame. Comme ? Comme, meine kleine Liebe. Reprenons. La bourgeoisie force toutes les nations du globe à adopter son propre mode de produire. En un mot, elle façonne un monde à son image. Karl, si je peux me permettre, l'introduction est beaucoup trop longue. Tu passes trop de temps à détailler le fléau qu'est la bourgeoisie. C'est très bien, mais on a hâte de lire des propositions concrètes. Ça va venir, ne m'interromps pas. Tu sais très bien qu'après je perds le fil. Non, non, il faut tout de suite entrer dans le vif du sujet. Tu ne veux pas qu'on reprenne la liste des 10 mesures prioritaires ? Voyons s'il y en a une qui s'enchaîne bien avec l'introduction. Si tu veux. Ça y est, j'ai trouvé. 1. L'expropriation de la propriété foncière. 2. L'impôt sur le revenu progressif. 3. La centralisation du crédit entre les mains de l'État. Il faut qu'on remonte plus haut l'abolition du droit d'héritage. L'abolition du droit d'héritage. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Je me disais que c'était bien curieux de ta part, alors que tu as fait des pieds et des mains pour revendiquer l'héritage de ton père. Il me semble que j'ai la charge d'une famille, et que je suis obligé de subvenir à ses besoins. Et moi, il me semble que le mois dernier, nous avons dû vendre les dernières pièces de l'argenterie de ma mère. Tout ça parce que ce qui restait de l'héritage de ton père, tu l'as dépensé en Angleterre avec Engels. C'est ça que tu appelles subvenir aux besoins de ta famille ? La révolution a toujours été ma priorité absolue. Tu le savais très bien quand tu m'as épousée. La révolution, oui. Mais traîner dans des tavernes et rentrer avec des filles, je ne savais pas que ça en faisait partie. Mais Jenny, de quoi tu parles ? Nous sommes allés au congrès de la Ligue communiste. Tu le sais très bien. Ah oui ? Et cette lettre, qu'est-ce que c'est ? Rejoins-moi à Paris avant d'aller en Angleterre. J'ai hâte de boire des bouteilles avec toi et d'embarquer quelques filles. Ah, ces grisettes ! Si les Françaises n'existaient pas, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Tu fouilles dans ma correspondance maintenant ? C'est toi qui m'as dit de classer les lettres d'Engels pour écrire le manifeste. Et voilà sur quoi je suis tombée. Jenny, c'est sans importance. Ce sont les plaisirs de la vie, c'est tout. Ah oui ! Et est-ce que tu t'es déjà demandé de quel plaisir ma vie à moi était faite ? Mais enfin, Jenny, de quoi te plains-tu ? Je t'ai donné 3 enfants. Je t'ai fait rencontrer les esprits les plus brillants d'Europe. Je te fais participer à une aventure sans précédent dans l'histoire. L'émancipation du prolétariat. Tout cela n'est rien à tes yeux ? Bien sûr que si, Karl. Je t'ai toujours soutenue. Je n'ai jamais regretté de t'avoir épousée. C'est juste que... Je ne m'imaginais pas notre vie comme ça. C'est parce que tu ne te rends pas compte de ce qui est en train de se passer. Jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Aujourd'hui, on découvre qu'ils peuvent le transformer. La révolution ne se fera plus par les baïonnettes, mais par les forces de l'esprit, Jenny. Mais avec qui ? Qui pense comme nous ? Tu t'es fâchée avec tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec toi. Parce que ce sont des lâches. Parce qu'ils n'ont pas le courage de voir que la seule issue possible est la dictature du prolétariat. On me traite de despote. Mais quand on veut le pouvoir, il faut l'arracher, Jenny. Tu verras, l'avenir me donnera raison. Mais il faut que tu crois en moi. Mais je crois en toi, Karl. Je voudrais... Quoi ? Que tu sois tout à moi, comme avant. Quand on marchait à Trèves sous les tilleuls. Mais je suis tout à toi. Tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. Viens là. De près, tu es encore plus belle. J'ai la plus belle femme de Londres. Oh. Lady Marx. Née von Westphalen. Oh, j'y vais. Laisse. Lenchen va s'en occuper. Repose-toi. Tu es fatiguée. Mais la suite de l'introduction? Je vais la terminer. Pas question. Pourquoi? Parce que je préfère encore écrire sous ta dictée que de m'abîmer les yeux à déchiffrer tes pattes de mouche. Très bien. Alors on y va. La bourgeoisie produit avant tout ses propres fossoyeurs. Fruit de la collaboration de Marx et Engels, le manifeste du Parti communiste paraît en février 1848. Quelques jours plus tard, la révolution éclate à Paris. La foule se jette sur les Tuileries et Louis-Philippe abdique. La secousse gagne l'Europe entière et redonne espoir au mouvement contestataire. À Bruxelles, Marx reçoit une lettre du gouvernement provisoire les autorisant à rentrer en France. Aussitôt, Karl et Jenny font leurs bagages et rentrent à Paris, euphoriques. Mais le vent de la révolution retombe vite. En décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte arrive au pouvoir et les révolutionnaires sont mis au pas. En 1849, un policier se présente au domicile des Marx. Ils sont assignés à résidence dans le Morbihan. Le couple décide alors de reprendre le chemin de l'exil, cette fois en Angleterre. Karl part le premier. Un matin de septembre 1849, Jenny, enceinte de 7 mois, débarque dans le brouillard londonien avec ses 3 enfants. Londres, le 20 mars 1850. Chère maman, hier j'ai vécu une des journées les plus éprouvantes qu'il m'ait été donné de vivre depuis 5 ans. Comme nous n'avons pas de quoi payer une nourrice, je me suis résolue à allaiter le petit Foxion moi-même, malgré une douleur terrible dans la poitrine et le dos. J'étais en train de lui donner le sein quand 2 huissiers ont fait irruption et ont enlevé le peu que nous ayons. Linge, table, berceau, jusqu'aux jouets des enfants qui pleuraient. Je suis restée sur le parquet nue, avec mes enfants grelottants et ma poitrine meurtrie. Heureusement, un compatriote m'a indiqué un hôtel pour réfugiés allemands, d'où je t'écris. Nous avons une petite chambre et un cabinet de toilette, le tout pour un loyer extravagant. Autant te dire que nous ne profitons guère de l'animation de Londres. Mais dès que nous aurons un peu d'argent, j'ai hâte de découvrir la ville. Embrasse mon frère Edgar pour moi. Ta Jenny. En Angleterre, les Marx connaissent la vraie misère, celle décrite à la même époque dans les romans de Dickens. Marx, isolé, interdit de presse partout en Europe, se lance dans l'écriture du Capital. Pour mener à bien cette œuvre vertigineuse, il passe ses journées dans la bibliothèque du British Museum, où il dévore des centaines de livres. Pour survivre, le couple ne peut compter que sur l'aide d'Engels, qui gère les usines de son père à Manchester. C'est alors qu'en novembre 1851, le petit dernier, Foxion, meurt d'une pneumonie. 15 mois plus tard, Jenny accouche d'une petite fille, Francisca, qui meurt aussitôt après d'une bronchite. Jenny sombre dans le désespoir, tandis que Karl se réfugie chez Engels pour fuir ses soucis familiaux. Le couple est non seulement désuni, mais il vit dans un terrible non-dit. En effet, quelque temps auparavant, un événement inattendu a bouleversé la vie de la famille Marx. Oh, Friedrich. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Karl, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe... un événement... je dirais, tragicomique, dont il faut que tu m'aides à me sortir. Je me demande bien avec qui tu peux avoir des problèmes, puisque tu t'es brouillé avec tout le monde. Ah, j'ai deviné. C'est Liebknecht, c'est ça? Non. Non, c'est... c'est un souci d'ordre... domestique. Avec Jenny, tu veux dire? Comment va-t-elle? Non. Avec Lenchen. Elle est enceinte. Je comprends. Elle a besoin d'argent pour les petits? Ne t'inquiète pas, Carl, je t'ai toujours dit que je t'aiderais. Bon, de combien avez-vous besoin? Pour une fois, il ne s'agit pas d'argent. Écoute-moi. L'enfant n'a pas de père. Il faut lui en donner un. C'est-à-dire? J'ai besoin que tu reconnaisses cet enfant. Que je... Quoi? Tu m'as bien entendu. Non, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Jenny lui demande depuis 15 jours qui est le père. Len Chen refuse de le dire. Il faut donner à Jenny une explication. Mais pourquoi moi? Len Chen ne quitte jamais la maison. Tu es le seul à venir ici. Tu es le coupable idéal. Mais si Len Chen ne quitte jamais la maison, comment se fait-il? Oh non. Carl. Ici. Mais comment as-tu pu? Len Chen est un membre de la famille. Jenny était partie en Hollande et alors... voilà. Mais quel genre d'homme es-tu, toi, le défenseur des opprimés qui en gros s'abonne comme n'importe quel bourgeois? Mais tu me fais honte. Mais ne parle pas si fort, tout le monde va t'entendre. Où est Jenny? Elle est partie faire des courses. Écoute, je te demande de me rendre ce service comme à mon plus cher ami. Comprends-tu, Friedrich? Carl, tu es un monstre d'égocentrisme. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Ça veut dire que je vais devoir mentir à Jenny toute ma vie. Et moi, alors? Toi, tu ne vis pas avec elle. C'est moi qui vais devoir porter le poids de ce mensonge jour après jour. Carl, il n'y a qu'une solution, tu dois lui dire la vérité. Friedrich, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Si tu es contre moi, la porte est grande ouverte. Bon, c'est d'accord, mais à deux conditions. Je ne lui donnerai pas mon nom. Et je ne le verrai jamais. C'est clair? Très clair. Merci, mon ami. Viens là que je t'embrasse. Mais... Jenny arrive. Reste là. Ah non, Carl. Il est hors de question que je joue la comédie, tu te débrouilles. Bon, d'accord, j'en fais mon affaire. Alors, qu'est-ce que ma petite femme a prévu de bon pour le dîner? Le boucher m'a donné du lard. Ça agrémentera les pommes de terre. Dis, j'ai croisé Friedrich dans l'escalier. Je ne savais pas qu'il était à Londres. Moi non plus, il m'a annoncé hier qu'il devait me voir de toute urgence. Et que pouvait-il avoir de si urgent à te dire? Bon, Jenny, assieds-toi. Pourquoi? Tu m'inquiètes? Engels est venu me dire qu'il est le père de l'enfant de Len Chen. Quoi? Oui. C'est bien triste, mais c'est la vérité. Ce n'est pas possible! Et dire que nous l'avons accueilli à bras ouverts dans notre maison? Que veux-tu, c'est un homme. Face à la tentation, l'homme est faible. C'est tout ce que tu trouves à dire. Je ne veux plus jamais le voir. Jenny, je te rappelle que sans lui, nous dormirions sous un pont à côté des clochards de la Tamise. Alors tu peux avoir un peu de reconnaissance. De reconnaissance? Sa conduite est indigne. Je te l'accorde. Mais Len Chen ne s'est pas beaucoup défendu non plus. Je n'arrive pas à y croire. Il faut que j'en aie le cœur net. Len Chen? Oui, madame. Vous avez entendu notre conversation, n'est-ce pas? Oui, madame. Ce que dit mon mari est donc vrai? Oui, c'est vrai. Pardon. Pardon, madame. Je retourne à la bibliothèque. Allons, Malena, ne pleure pas. Tu me fais un cœur. Je ne mérite pas votre bonté, madame. Je vais quitter la maison. Quitter la maison? Mais tu es folle. Qu'est-ce que je vais faire sans toi, Malena? Cet enfant sera magnifique puisqu'il sera le tien. Il aura ta bonté et ton intelligence. Je t'aiderai à l'élever. Et si Engels est le père, il t'aidera aussi, j'en suis sûre. Oui, madame, pardon. Arrête de pleurer, tu veux? Viens, aide-moi à faire le dîner. L'enfant de Len Chen, Frédéric de Muth, naît le 23 juin 1851. Il est placé chez des parents nourriciers. Marx ne s'occupera jamais de son éducation. Engels tient parole et ne révélera la vérité qu'à la fin de sa vie. Atteint d'un cancer du larynx et ne pouvant plus parler, il écrira sur une ardoise « Frédéric est le fils de Marx ». Quant à Jenny, l'épisode crée en elle une blessure qui ne se refermera jamais. pas dupe du mensonge de Marx et rongée par un secret qu'elle ne peut révéler à quiconque, elle confie ses pensées à son journal intime. Londres, le 2 septembre 1851. Au début de l'été, il s'est passé un événement qui a grandement aggravé mes chagrins. Après la mort de Fuxion, je ne pouvais imaginer que m'attendrait un malheur encore plus grand. Ce jour-là, tout a sombré dans le néant. Je ne sais ce qui me torture davantage, de la défaillance de Karl ou de son mensonge. Comme la vie est étrange. Au moment même où l'on m'enlève mon Fuxion, naît un autre petit garçon, comme pour le remplacer. Pourquoi faut-il que celui-là vive, alors que le mien s'est tordu des semaines dans d'atroces souffrances? Karl semble indifférent au tragique de la chose. Il ne pense qu'au capital. Ce malheureux livre pèse désormais sur nous comme un cauchemar. Karl a beau dire, le monde changera peut-être demain, mais rien ne changera pour les femmes. Jenny Marx, l'épouse du diable, de Marjorie Philibert, avec Jenny Marx, Flora Brunier, Karl Marx, Guillaume Potier, Friedrich Engels, Mathieu Semper, Len Schön, Lisa Ours. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Pierre-Henri et Dofer Guérid, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Cédric Ossir. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, on continue de parler de Jenny Marx avec mon invité, Jérôme Fehrenbach. My sweet Lord, will you help me leave the darkness behind? So far beyond, such a crime. It's been running. It's been running in my veins for too long. Just prove me wrong. And that's why I'm addicted to the night. Yeah, that's why I'm attracted to the bright light. I'll be damned. Telling me how bad I am. It makes me feel so good. Feel so good. I bite, they bleed, they fight over and over, and I feed on their every man. And that's why Animal triste, Tell Me How Bad I Am sur France Inter, Autant n'importe l'histoire, est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Florian Dorimini. Jérôme Fehrenbach, la vie de Jenny Marx, mariage, grossesse à répétition, des enfants qui meurent en bas âge, une vie réduite à sa dimension domestique, sacrifice, humiliation, de lui adultère, misère. Est-ce finalement l'histoire somme toute banale de beaucoup de femmes au 19e siècle? Celle de Jenny Marx. Je dirais que l'histoire de Jenny Marx est tout de même tout sauf banale, puisqu'elle a été peut-être un peu trompée par ses illusions dès le début, trompée par son mari ensuite, et très très malmenée par les circonstances. Néanmoins, l'histoire a une fin ou un développement un peu plus heureux que ceux par lesquels se termine cette très très belle évocation. Les Dupris ont commencé en fait assez tôt, ne serait-ce que sur l'activité de Marx, puisque en juin 1843, lorsqu'ils se marient, Jenny Marx pense épouser un homme de lettres. J'insiste bien, un homme de lettres. Ce n'est que peu après son mariage qu'elle réalise que ce n'est pas tout à fait un homme de lettres, qu'il sera surtout un journaliste. Et c'est seulement assez tard, à partir de 1845, on va dire, qu'elle réalise que son mari est un révolutionnaire en germe. Et elle-même, est-ce qu'elle va adhérer à ses idées politiques ? En fait, elle adhère au moins à l'idée que les choses doivent changer, que les inégalités sont intolérables, que l'injustice surtout est intolérable. Et je dirais que sa contribution la plus, peut-être la plus émouvante ou la plus attachante à l'histoire de son mari, c'est la lutte contre l'injustice et la lutte notamment contre les injustices qui ont frappé les contestataires, les protestataires de cette époque-là. Oui, elle va être très accueillante à Londres, malgré sa pauvreté, même la misère dans laquelle vit le couple, la famille. Elle va recevoir des communards qui sont réfugiés à Londres, par exemple. La porte est toujours ouverte pour eux. Oui, il y a au moins trois exemples, je trouve, de grands élans de solidarité dans l'esprit et dans la geste, dans l'action de Jenny. Ça se situe effectivement, comme vous y faisiez allusion, au moment où le couple accueille des déferlements par vagues successives de réfugiés de toute l'Europe et d'Allemagne en particulier lors de la répression de 1849-1850. Oui, il y a déjà la révolution de 1848. Puis effectivement au moment des événements de la Commune en 1871. Et puis j'y intercale un autre épisode qui est, je trouve, assez beau, où Jenny a fait preuve de ses capacités d'organisation. C'est le rassemblement de toutes les preuves et contre-preuves contre le procès totalement inventé, fait par le régime prussien à une modeste bande de communistes totalement inoffensifs, accusés de conspiration contre l'État, qui ont été traînés devant les assises en 1852 à Cologne, et qui ont été tellement malmenés par la police que finalement le jury lui-même, composé d'honnêtes bourgeois de Cologne, s'en est fortement ému. La plupart ont été soit condamnés à de légères peines ou finalement relaxés. Et ceci, on le doit en partie à l'action de Jenny, qui a coordonné toute la défense depuis Londres, ce qui était extrêmement compliqué puisqu'il fallait contourner tous les pièges savamment posés par la police et les douanes prussiennes. Et est-ce qu'elle a participé à l'élaboration du Capital ? On l'a entendu en train de copier, sous la dictée de Marx, mais est-ce qu'elle... On l'a aussi entendu donnant son avis sur l'écriture elle-même. Alors sur l'écriture, elle a toujours donné des avis sur l'écriture, ne serait-ce que parce que c'est une femme de très belles plumes et de très grand style. Et elle était secrétaire de Marx au moins jusque vers 1860, époque à laquelle sa fille aînée a petit à petit pris le relais, la Jenny numéro 2, on va dire, qui avait déjà 16 ans en 1860. Donc jusque-là, tout a été copié, recopié inlassablement par Jenny, qui ne se privait pas de faire de commentaires. Alors des traces matérielles de son intervention, on en a une toute petite, difficilement d'ailleurs compréhensible, parce que malheureusement la pièce physiquement est un petit peu coupée. C'est sur l'exemplaire original du manifeste du Parti communiste, l'exemplaire manuscrit, où elle a annoté il y a deux bouts de phrases en haut de la page qui sont de sa plume, et malheureusement c'est coupé, donc le sens n'est pas restituable, mais elle a injecté ses idées sur le fond dans ce fameux manifeste. Alors, la vie de Jenny Marx nous révèle aussi le portrait pas très flatteur de Karl Marx, hein, assez égoïste et finalement assez bourgeois dans son attitude, hein, on l'a vu, il va s'amuser avec son copain, il dépense l'argent de sa femme dans les cafés, dans les bordels, il fait un enfant à la bonne, il a sa lâcheté aussi quand il ne reconnaît pas l'enfant, une attitude qui finalement n'est pas très adéquate avec son engagement politique, on peut dire, c'est le minimum qu'on puisse dire. Alors je pense qu'il a concilié les deux avec beaucoup d'acrobatie pendant toute son existence. Le portrait n'est pas outré, et je veux dire que j'aime beaucoup dans cette fiction aussi le côté, l'humour, le côté caustique, prime sautier, cavalier, alors on va dire aussi insupportable sans doute, conféré par le texte et par les dialogues à Marx. Je pense que c'est très bien rendu. Et d'ailleurs c'est un point qui unissait les deux amis, puis amants, puis époux. Oui. Ils étaient très amoureux, mais ils avaient partagé ce même humour caustique, un peu shakespearien, disait le père de Jenny, qui à la fois s'en réjouissait et s'en inquiétait. Oui, vous me répondez pas vraiment. Il a quand même une attitude assez surprenante. Enfin, il défend la cause du peuple et en même temps, il se comporte comme un véritable bourgeois pathétique. Vous avez complètement raison. C'est un côté tragicomique et là aussi, je pense que le texte est assez fidèle. Cette fiction est assez fidèle à ce qui a dû réellement se produire. Juste pour ajouter au côté triste, voire glauque de cet événement, en fait, l'infidélité de Marx s'est commise au moment où Jenny rentrait épuisée d'un voyage qu'elle avait fait aux Pays-Bas pour tenter de quémander auprès de l'oncle maternel de Marx quelques morceaux d'héritage. En effet, l'oncle maternel gérait la fortune et la dot de la maman de Marx et livrait au compte-gouttes un peu d'argent. Donc, la fin voyage littéralement épuisant est arrivé à la fois trempé et épuisé auprès de l'oncle Leon Phillips, lequel lui a finalement accueilli quelques jours, mais lui a refusé tout concours. Elle est rentrée tout aussi, encore plus épuisée, et c'est dans ces circonstances que cette infidélité a été commise. Oui, ça, ce qui n'arrange rien au portrait de Karl Marx. Quel regard le socialiste Karl Marx portait-il sur la condition féminine, du moins en théorie? Alors c'est un point qui intéresse pas ou intéresse peu à l'époque. La politique est affaire d'hommes, c'est une affaire totalement masculine. Et donc je pense qu'il n'y a pas de question posée là-dessus. Marx a aussi une attitude de, j'allais dire, bourgeois extrêmement classique dans la façon dont il souhaite établir ses filles, les éduquer. Et c'est au fond... on va dire très bien, puisque les filles Marx ont reçu une excellente éducation, malgré les moyens très très limités du couple. Ça a toujours été la priorité absolue du couple. Une volonté de sauvegarder les apparences aussi, de les préserver, de les cultiver. Et puis une volonté de correctement marier ces filles, ce qui sera tout à fait visible au moment notamment du mariage de Laura. Flora Tristan, une autre révolutionnaire du 19e siècle, un petit peu plus antérieure, qui connaissait assez bien la situation des femmes, disait « L'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est le prolétaire du prolétaire même. » C'était des idées qui ne touchaient pas Karl Marx. Oui, alors, et en fait, est-ce que réellement Jenny s'en est offusquée? Elle est très très conditionnée par son éducation, et autant l'injustice en dehors de son foyer la choque et la bouleverse, autant finalement elle accepte parfaitement cette condition de mère, d'épouse complètement dévouée, avec en plus un côté chez elle peut-être un peu léonin, un côté un peu tigresse, pour la défense des intérêts de son couple. Elle est, de ce point de vue-là, elle revendique parfaitement son héritage, son bagage culturel familial. C'est une des raisons, d'ailleurs, c'est probablement la seule et la principale, la seule raison de sa mésentente ou son entente jamais accomplie, en tout cas avec Engels, qui était un personnage absolument adorable avec le couple pendant toute son existence, et ce que Jenny lui a que partiellement rendu. Jenny meurt d'un cancer du foie en 1881. C'est Engels, justement, qui fait son éloge funèbre, un très bel éloge funèbre, malgré cette inimitié. Alors, c'est une inimitié c'est une distance qui a toujours existé. Les deux se sont toujours voyés. Elle a toujours appelé Engels Monsieur Engels, ou familièrement mon général, parce que Engels aimait beaucoup les affaires militaires, et donc de temps en temps, par dérision amicale, elle l'appelait sous ce vocable. Mais il y a eu certainement une admiration véritable de la part de Engels. Engels, qui l'irritait pour deux raisons. D'abord, elle était profondément choquée par la thématique de l'union libre. Et puis, également, elle n'aimait pas chez Engels, qui avait eu le privilège d'une éducation très riche et très raffinée. Elle n'aimait pas une forme de vulgarité un peu affectée qu'avait Engels. Oui, elle l'irritait très profondément. Et à cet éloge funèbre, en fait, cet éloge funèbre qu'a fait Engels au cimetière de Highgate est très beau. Mais si vous me le permettez, j'aimerais le compléter par un autre éloge qu'a fait Liebknecht. Karl Liebknecht, le père de Karl, qui lui était philologue et qui finalement a dans ses mémoires a évoqué cette action extrêmement importante qu'a eu Madame Marx quand il est arrivé à Londres. Et finalement, il dit, que dit-il, Jenny était pour moi l'idéal d'une femme et elle le constitue toujours. Et si à Londres je n'ai pas sombré moralement et physiquement, c'est en grande partie grâce à elle que je le dois, à elle qui fut, quand je croyais couler dans l'océan, elle fut en fait celle qui, comme Ino le côté, avec Ulysse naufragé, m'a sauvé et m'a redonné courage pour nager. Eh bien, un bel éloge. Merci beaucoup, Jérôme Fehrenbach. Je recommande la lecture de votre biographie, Jenny Marx, La tentation bourgeoise, publiée aux éditions Passé Composé, un livre qui a reçu le prix de la biographie du Point en 2022. Rien à voir avec Marx. Je signale, pour ceux qui sont en Rhône-Alpes, une très belle exposition à la Maison d'Izieux, là où des enfants juifs étaient réfugiés sous l'occupation. Couleur de l'insouciance, paroles et images des enfants de la Maison d'Izieux au Musée Mémorial d'Izieux, du 6 avril au 6 juillet 2022. C'est la fin pour ce soir de Temps n'importe l'histoire. Si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr où, comme toujours, j'attends vos commentaires avec impatience, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, 8 mai, nous ferons revivre un personnage extraordinaire, Jan Karski, ce résistant polonais qui, en 1942, après un séjour clandestin dans son pays, fut un des premiers à témoigner de l'extermination des Juifs. Il fera tout pour alerter le monde libre, même parler au président américain Roosevelt. Mais rien ne sera tenté pour arrêter la machine de mort nazie. 1942, Jan Karski, témoin de la Shoah, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.